méda, si geste n'a fait y'a ces peuples, c'est naturel, puisque Dieu t'a créé aussi belle, avec un petit regard, pour ne pas transporter sur le monde. Donc inconscience, n'a pas tes garçons en trans, ah oui, méda, bépiti. La donne pour mourir.